الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد Nous sommes le 29 du mois de Safar de l'an 1439 de l'égir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui correspond au 18 novembre 2017. Et ce qui va suivre, Inch'Allah, est la traduction d'une série de questions-réponses dirigées par le Cheikh Azhar Saniqra, qu'Allah le préserve, faisant partie des savants d'Algérie situés à la capitale Alger. Une séance qu'il a dirigée en date du calendrier égérien du 9 du mois de Safar de l'an 1439, correspondant au 28 octobre 2017. Ceci étant dit, en introduction, le Cheikh, qu'Allah le préserve, nous dit « Nous louons Allah, élevé soit-il, tout d'abord, pour ces rencontres qui se renouvellent avec nos frères de la mosquée Sunna de Bordeaux, à travers cette radio, la radio Sunna, puisse Allah assister ses responsables. Et comme à notre habitude dans ce genre de rencontres, dans lesquelles nous essayons de répondre à des questions de certains de nos frères, peut-être qu'Allah, élevé soit-il, nous fera en tirer profit. » Et en cela, nous cheminons dans la voie de nos pieux prédécesseurs, sans pour autant prétendre faire partie des gens de ce domaine, qui est la fatwa. Mais ce sont les réponses entendues de nos savants que nous transmettons à nos frères, particulièrement en cette époque où les infiltrés augmentent en nombre, au point où les faibles d'esprit s'expriment en religion. Comme nous l'a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, dans ces pays où vous vivez, ces pays où se mettent en avant toutes les personnes venant d'ici et là, et chacun prétend toute chose, et ô combien sont nombreuses ces prétentions mensongères de la part de ces tricheurs infiltrés dans les rangs de nos frères, et chacun d'entre nous a son but et son intention. C'est pourquoi il est un devoir aux prêcheurs à cette voie sur laquelle étaient les salafs, les pieux prédécesseurs qu'Allah les agrée, de montrer la vérité et de la clarifier. En appliquant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Asr, traduction approximative et rapprochée, par le temps, l'homme est dans la perdition, à l'exception de ceux qui ont eu la foi, fait de bonnes actions, se sont enjoints mutuellement la vérité et se sont enjoints mutuellement l'endurance. Ces rencontres qu'Allah facilite à nos frères font partie de cela. Et nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous joindre à ceux qui s'aiment en lui, se rendent visite et s'entraident dans le bien. Première question qui fut posée, l'interrogateur a dit « Qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Quelles sont les causes aidant à observer constamment la droiture après le hajj, le pèlerinage ?» La réponse est peut-être que l'interrogateur fait partie de ceux qui en reviennent. Nous demandons donc à Allah, tabaraka wa ta'ala, de lui accepter ainsi qu'à tous nos frères, et qu'il fasse que nos œuvres lui soient vouées sincèrement. La fermeté sur la vérité fait partie des choses demandées les plus grandes, que ce soit avant ou après le pèlerinage. Sauf qu'étant donné que cette adoration a cette importance si haute, en effet, si le pèlerin accomplit pieusement son pèlerinage et fait les causes pour être accepté, il revient comme le jour où sa mère l'a mise au monde, c'est-à-dire de ses péchés. Et comme dans le hadith, Al-Hajj al-Mabrur, le pèlerinage pieusement accompli, n'a d'autre récompense que le paradis. Dans l'autre récit, on voit que le pèlerinage pieusement accompli efface les péchés précédents, c'est-à-dire ceux qu'il avait commis avant ce pèlerinage. Et c'est un des grands bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'il assiste un de ses serviteurs, non pas seulement pour se rendre en terre sainte, voyager et aller dans ces endroits, comme c'est le cas de la plupart des gens en apparence, mais plutôt d'accomplir le pèlerinage comme il se doit. Et certes, il fut dit anciennement, tous les voyageurs ne sont pas des pèlerins, c'est-à-dire chez Allah tabaraka wa ta'ala, mais plutôt c'est celui qui a réuni les conditions du pèlerinage, et a observé les ordres d'Allah avant et après le pèlerinage. Il a accompli son hajj avec une subsistance licite et une intention bonne et sincère. Il a suivi la guidée de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son pèlerinage, depuis le premier jour où il quitta son domicile jusqu'à son retour. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Il faut préserver cela aussi, après le retour, car le Hajj est un renouvellement de notre engagement avec Allah. L'engagement de l'adorer seul, sans rien lui associer, réellement, et cela en suivant ses ordres dans toutes choses, et sans doute qu'il y a des causes au sujet desquelles la question a été posée. La première cause pour observer la droiture de manière constante après le pèlerinage, comme nous l'avons entendu implicitement en introduction, il s'agit de s'accrocher au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes choses et d'œuvrer avec connaissance. Ne fais aucun pas sans science, comme étaient nos pieux prédécesseurs. Il incombe aux musulmans d'interroger sur le jugement de tout ce qu'il fait, ceci afin de distinguer le bon du mauvais, le licite de l'illicite. Et c'est un des grands fondements de cette religion qui est la science avant la parole et les actions. C'est ce qui protégera tout le temps le musulman de tomber dans ce qui provoque la colère d'Allah contre lui, et d'autre part, c'est ce qui le raffermira également sur la vérité. Deuxième cause, le suivi des grands savants, ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé cette place, car cette place, elle ne vient que d'Allah uniquement, elle ne vient pas des gens. Il existe certains qui s'efforcent à acquérir les éloges des gens, en pensant que c'est de cette façon qu'ils atteindront leur but. Ils vont même jusqu'à ruser à la recherche des éloges pour qu'ils soient élevés chez les gens. Mais dans le récit, ce que l'on retrouve, c'est la parole suivante. Certes, Allah élève des gens par ce livre et en rabaisse d'autres. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala élève les gens par le Coran. Il les a guidés dans son droit chemin. Suivez donc ce chemin et ce livre droit. Allah azza wa jal a réalisé sur ces gens-là qui l'ont suivi sa promesse, si eux ont réalisé la condition. Ces savants dont nous parlons sont honorés par Allah, et la communauté ne cesse d'être dans le bien tant que ses membres se cramponnent à leurs savants, et tant qu'il n'y a pas entre eux de séparation, tant qu'ils ne critiquent pas leurs savants, tant qu'ils n'éloignent pas ni ne mettent en garde les gens contre les savants de la sunna. Troisièmement, nous citons ici quelques points bien sûr de manière brève, afin d'être raffermis dans la religion, ce qui était le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait « Raffermis-moi dans ta religion » dans son invocation. La troisième chose que nous citons, le fait de choisir les bonnes fréquentations, les bonnes personnes, car leur compagnie est un remède. Elle est d'une grande utilité pour tous ceux qui recherchent la vérité, alors que les mauvaises compagnies, elles, que ce soit les gens des passions, les innovateurs, ou les gens des péchés, fuis-les comme tu fuirais celui qui est susceptible d'amener une maladie contagieuse. Certains font tout pour fuir les contagions des maladies. Que dire alors de ceux dont la maladie te détruit? Elle détruit ta religion, la chose qui est pour toi la plus chère. Ainsi, je conseille à mes frères de s'unir dans leur mosquée, de s'unir avec des gens de bien et de renforcer cette union entre eux, cet amour, cette entraide, etc. Voici quelques causes. Et celui qui souhaite s'approfondir dans ce sujet, il y a les récits ou les écrits de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qui abondent d'enseignements en ce sens. Deuxième question. Le père a-t-il l'obligation de dépenser pour ses enfants après le divorce, en sachant que la mère perçoit une aide de l'État mensuelle? Le cheikh, après s'être étonné et avoir montré son étonnement, dit « Vraiment, ce genre de question n'est posée que par les gens de France, qu'Allah nous accorde le salut. Le père reste le père après avoir divorcé la mère de ses enfants. Le divorce n'intervient pas dans la paternité, mais il intervient plutôt entre les époux. Si les époux se séparent, les enfants n'ont rien à voir, et leurs droits sont les mêmes. Le père doit savoir cela avant même de se marier et d'être père. Il doit savoir que parmi les droits des enfants sur les parents ou sur le père, le fait de dépenser de ses biens pour eux, et ce droit n'est jamais annulé, sauf en cas de décès ou d'abandon de l'islam. Ainsi, si l'enfant décède, ses droits, forcément le père ne dépensera plus sur lui. Et si l'enfant apostasie, quitte l'islam en commettant un annulatif, ses droits sont interrompus. Nous conseillons donc à ce père de préserver le droit de ses enfants, même si leur mère perçoit une aide. Et nous disons même si la mère est milliardaire, car cela ne change en rien le jugement d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Troisième question. Pouvez-vous m'expliquer la parole de Soufiane al-Thawri qui dit « Je n'ai pas combattu quelque chose de plus dur pour moi que mon âme, que j'arrive à vaincre tantôt, mais qui me bat tantôt. » Le cheikh dit « Cette parole rapportée d'un des imams des tabi'in, le dénommé Soufiane al-Thawri, qui était à son époque l'imam de la dunya par excellence. Cette parole nous montre ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, les efforts qu'ils fournissaient pour purifier leur âme et se réformer. Car l'homme, quoi qu'il ait atteint comme niveau, ne doit jamais prétendre être à l'abri de ces choses mauvaises. Et comme nous l'avons évoqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait constamment à Allah tabaraka wa ta'ala la fermeté dans sa religion. Dans ses assises, il demandait le pardon d'Allah Azza wa Jal à plus de 100 reprises, malgré son infaillibilité à commettre des péchés majeurs. De même, les salafs, les pieux prédécesseurs, qui étaient éduqués dans les assises prophétiques et qui ont pris la bonne éducation, qui ne se sont pas contentés d'étudier en apparence la science, les récits, les hadiths, ainsi que les textes, mais plutôt ils considéraient le plus important comme étant la réforme de leur relation avec leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. C'était le souci auquel ils pensaient constamment. Et le musulman doit tout le temps combattre en ce sens, car il nous est demandé de combattre nos âmes. Et comme l'ont dit nos savants, cela demande deux choses, la purification et l'éducation. C'est-à-dire la purification de nos cœurs, de tout ce qui pourrait les souiller, de tout ce qui pourrait souiller nos actes ou entacher notre lien avec notre Seigneur. Et les pires de ces choses sont celles ayant un lien avec le cœur, comme l'ostentation, l'orgueil, la jalousie, la rancœur et d'autres choses encore. Si ces choses touchent l'un d'entre nous, elles le feront périr, et il rencontrera alors son Seigneur en colère contre lui. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur un atome d'orgueil. » Voici le sens de la parole de cet imam. Débarrasser l'âme de ses souillures, une chose difficile qu'il s'est malgré tout efforcé de faire, tout en réunissant parfois, et en ayant quelques faiblesses, d'autres fois, car nous ne sommes pas parfaits. Et comme dans le récit du compagnon Hanzala, qu'Allah l'agré, est allé voir Abu Bakr, radiyallahu an. Abu Bakr a vu la tristesse sur son visage. Il l'a interrogé. Hanzala lui a dit, « Je suis un hypocrite. Pourquoi dis-tu cela ?» Hanzala de répondre, car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait le rappel lorsque nous sommes avec lui, je sens mon cœur et ma foi augmenter, mais quand je le quitte et je retourne à mes occupations avec les miens, mon épouse et autres, je sens que ma foi n'est plus la même. Abu Bakr radiyallahu ta'ala an lui dit, c'est la même chose que je ressens. Allons voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Ils sont allés le voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que la foi parfois augmente et parfois diminue. Ainsi, le croyant doit jouer dans cela en essayant de faire monter sa foi. Ainsi, l'imam était l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah. Et en cela, il doit être suivi, car l'imam a été instauré pour être suivi. Dans le récit, lorsque l'on parle de la prière, il est dit que l'imam a été instauré pour être suivi. Eh bien, à plus forte raison dans toutes ces choses. Wallahu ta'ala a'lam. Quatrièmement, existe-t-il des gens en ce moment au paradis, ou alors y entreront-ils seulement après le jugement? La réponse, si l'interrogateur avait réfléchi autrement dans cette question, cela aurait été meilleur pour lui. S'il avait plutôt dit comme le compagnon a dit, « Ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis et m'éloigne du feu. » S'il avait pensé plutôt à la question « Comment entrer au paradis ?», cela aurait été meilleur pour lui. Mais quant à la question « Ne crois-tu pas qu'après le jugement, les gens entreront au paradis ou au feu ?» Donc comment y entreront-ils maintenant qu'Allah te réforme? Les questions qui doivent être posées sont celles qui sont utiles à la personne. Et les salafs n'aimaient pas les questions inutiles. De même, les savants, lorsque ce genre de questions leur était posées, ils disaient « Cette chose a-t-elle eu lieu ?» Quand on leur disait « Non », ils répondaient « Alors reviens me voir quand cette chose aura lieu. » Cheikh nous dit « Vous appelez cela les suppositions, les choses qui sont à délaisser. » Wallahu a'lam. Cinquièmement, je suis touché d'un mess, le toucher du djinn. Et certains savants disent que le meilleur remède est l'apprentissage de la croyance correcte. Mais cela veut-il dire qu'il est meilleur pour moi d'interrompre la ruqya? Réponse, je ne sais pas pourquoi cette confusion dans cette question. Premièrement, je suis touché d'un mess. Ceci est une question, mais tout d'abord, elle nécessite une preuve. Comment sais-tu que tu es touché d'un mess? Certes, nous croyons fermement que le djinn peut entrer en l'homme, comme Allah Azza wa Jalla l'a cité dans le Coran. D'autre part, la question de l'apprentissage de la bonne croyance fait partie de la prévention. Le fait d'apprendre la véritable aqidah, la foi en Allah Azza wa Jalla, et certes c'est la première obligation, et la personne est protégée par cela et est préservée du mal. Car comme Allah Azza wa Jalla a dit, que Iblis a dit à Allah tabaraka wa ta'ala « Illa ibadaka minhumul mukhlasin » quand il a dit qu'il allait tous les conduire vers l'égarement, sauf tes serviteurs que tu auras élus. Et c'est ce qui est voulu. Mais l'homme peut quand même avoir une bonne croyance et être éprouvé par cela. À ce moment-là, il passe au traitement légiféré qui est la ruqya et patiente jusqu'à ce qu'Allah l'enlève et dissipe ce mal, et nous demandons là de le guérir. Sixièmement, ma fille est atteinte de wasawis, des insufflations du diable qui viennent perturber son esprit. Elle s'interroge sur l'essence d'Allah et n'arrive pas à repousser cela. Quel conseil? La réponse, ces insufflations du diable qui touchent les gens et qui concerne l'essence d'Allah, qui concerne Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, viennent sans aucun doute du diable, qui veut tout faire pour égarer de la voie d'Allah. Et c'est son but, en employant plusieurs moyens, comme celui-ci. Il te fait dire dans ta tête, qui a créé Allah? Mais si la personne ressent cela, qu'elle le repousse par la lecture de la suratul ikhlas, car certes Allah azza wa jal est le créateur de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Il est plus immense que toutes choses. Et Allah enlèvera de ta fille ce mal. Aussi, le fait de faire beaucoup de dhikr avec assiduité et d'enseigner à vos enfants de lire régulièrement une partie du Coran. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui a trois filles et qui sait bien les éduquer, les vêtir et les marier, elles seront pour lui un voile contre le feu. Le compagnon a dit, et s'il n'en a que deux, est-il aussi concerné? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui. Autre chose, nous savons très bien que c'est difficile, mais il faut le faciliter par des causes, parmi lesquelles l'éducation des parents envers leurs enfants. Car comme dans le récit prophétique, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tous les enfants naissent sur la prime nature. Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mage, un adorateur du feu. Les parents ont une énorme part de responsabilité. Il est donc obligatoire de veiller à éduquer correctement vos enfants, mais aussi de prendre garde à l'endroit où ils sont. De prendre garde à l'endroit où ils sont, et notamment les pays qui n'appliquent pas la foi, qui ne pratiquent pas la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le shir dit, il est obligatoire de quitter ces pays qui ne vous laissent pas appliquer correctement votre religion, et qui justement font que vos filles ne portent pas le vêtement qui leur est prescrit, et n'adoptent pas les caractères qui leur sont légiférés. Septièmement, y a-t-il un conseil pour vaincre ces deux choses que l'on appelle al-ujbu et al-ghurur, le fait d'être trompé par sa propre personne et de se sentir étonné par ses bonnes actions? La réponse, nous avons évoqué le danger des maladies du cœur, parmi lesquelles justement ces deux-là. Quant à al-ujbu, il est proche de l'ostentation. Il s'agit de la personne qui aime son action et les éloges des gens. Elle est trompée par cette action. C'est pourquoi, en général, cette personne-là n'accepte pas la nasiha, le conseil, car elle est trompée par ses actions et elle pense avoir atteint. Alors que al-ghurur, c'est aussi un cas où la personne est trompée par ce qu'elle fait. Et le remède dans cela, c'est de craindre Allah tabaraka wa ta'ala et lire les textes montrant les dangers de ces deux mots qui sont le fait d'être étonné par sa personne et trompé. Le danger de cela, car le musulman doit fuir tout ce qui provoque sur lui la colère d'Allah, et cela fait partie du combat de nos âmes qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous vienne en aide. Huitièmement, je ressens en moi pendant la prière une gêne. Cela fait-il partie de l'hypocrisie? La réponse, l'hypocrisie n'est pas cela. L'hypocrisie, c'est quelque chose qui a un lien avec la croyance. C'est le fait de montrer la foi en apparence et de la cacher, de cacher la mécréance, pardon, à l'intérieur de soi. Comme à l'époque, les hypocrites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui témoignait que nul autre qu'Allah n'a le droit à l'adoration, et que le prophète alayhi salatu wa sallam est celui qui doit être suivi, alors qu'en réalité, il faisait tout pour nuire aux musulmans et ne croyait pas du tout en l'islam. Et également, il nuisait aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même à notre époque, nous avons des gens qui les suivent dans ce chemin, comme les chiites qui montrent l'islam et qui en réalité font tout pour le dénigrer. Mais ce dont parle l'interrogateur ne relève pas de l'hypocrisie. C'est peut-être un dérangement émanant du diable, surtout pour les nouveaux, ceux qui sont nouveaux et fraîchement rentrés dans le droit chemin, ce qu'Allah vient de guider. Le diable ruse contre eux pour les égarer, car il a juré qu'il allait tous les égarer, et cherche donc à réaliser son serment. Il faut donc patienter et combattre cela, tout en sachant que c'est une épreuve. Ainsi, la cause vient de Shaitan, ou de la personne elle-même, qui ne s'est pas éduquée à trouver son aise dans cette adoration. La personne doit combattre jusqu'à trouver son repos dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ et on a mis la réjouissance de mes yeux dans la prière. C'est ainsi que la personne qui s'habitue va éduquer son âme et aimer l'adoration. Ainsi, cette gêne, ce sentiment disparaîtra. Neuvième question. Comment doit-on se conduire avec celui qui critique ses frères par le mensonge et la calomnie, en privé, puis lors de la rencontre, il leur sourit au visage? Le cheikh nous dit qu'Allah nous préserve. Celui-ci est un double visage, les pires des gens chez Allah. Notre devoir est de craindre Allah, Azza wa Jal, en nous-mêmes et nos frères, surtout dans vos pays, et le mal qui s'y trouve. Tu vois ce genre de conduite contraire à votre religion. Le musulman doit s'entraider avec ses frères, avec eux ou en leur absence. Nous conseillons à nos frères de préserver ce lien entre eux, qui fait partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur eux. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après la traduction rapprochée, si tu dépensais tout ce que la terre contient pour unir leur cœur, tu n'aurais pu y arriver. Donc c'est Allah qui a uni leur cœur. On se rapproche d'Allah en aimant nos frères et en ayant une bonne conduite avec eux. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Sept personnes vont bénéficier de l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura nulle autre ombre que la sienne. » Parmi ces sept personnes, il cita deux croyants qui se sont rencontrés, aimés en Allah et qui se sont séparés dans cette cause. Dixième question et dernière question. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les attributs d'essence et les attributs d'action? Le cheikh nous dit, nous savons que le sujet des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les attributs qui sont ce par quoi Allah s'est décrit, fait partie du tawhid, du monothéisme pour lequel les prophètes ont été envoyés. En effet, ils ont été envoyés pour nous enseigner l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont été envoyés pour nous enseigner cela, et ils nous ont aussi enseigné l'unicité d'Allah, azza wa jal, dans ses noms et attributs. Ils nous ont aussi enseigné l'unicité d'Allah, azza wa jal, dans sa seigneurie. D'un point de vue, on dira de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie et dans ses noms et attributs que c'est un tawhid ilmi, un tawhid scientifique. Et on dira de l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration que c'est un tawhid amali, un tawhid pratique. Car en effet, avoir la croyance en l'unicité d'Allah dans ses noms, dans ses attributs et dans sa seigneurie, tout cela relève d'une connaissance acquise par la personne. Puis œuvrer dans ce sens, en adorant qu'Allah seul, ce sont des actes. Fait partie de ce tawhid, justement, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses noms et attributs. Il fait partie de la croyance des gens de la sunna de croire au nom d'Allah et en la description qu'il s'est faite, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens rapproché du verset, « Et à Allah appartiennent les noms les plus parfaits, invoquez-le donc par ceci. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Allah a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les comprend, apprend et met en pratique, entrera au paradis. » Ces attributs par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala s'est décrit se divisent en deux. Il y a ce que l'on appelle As-sifatu dhatiyya, les attributs d'essence. Ce sont les attributs liés directement à l'essence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tels que la vie, la puissance, la science, l'ouïe, la vue. Ces attributs sont directement liés à l'essence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous disons de lui qu'il est constamment qualifié par ses attributs. On appelle cela sifatu dhatiyya, les attributs d'essence. On ne dit donc pas de ses attributs qu'Allah Azza wa Jal les fait quand il veut, ou qu'il est décrit par ses attributs quand il le veut, comme l'attribut du visage, des deux mains. Allah Azza wa Jal a constamment cet attribut, car cet attribut a un lien avec l'essence d'Allah. Tant qu'il y a l'essence d'Allah Azza wa Jal, il y a ses attributs. D'autre part, il y a as-sifatul fi'liyah, les attributs d'action. Ces attributs sont en relation avec la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il s'agit de choses qu'Allah fait quand il veut, subhanahu wa ta'ala, comme l'élévation au-dessus du trône, comme la descente au dernier tiers de la nuit, au dernier ciel de cette dunya. Nous croyons en ces attributs, comme il convient à Allah, tabaraka wa ta'ala. Nous croyons aussi que le jour dernier, Allah viendra afin de juger ses serviteurs. Tous ces attributs sont des choses qu'Allah fait quand il veut. Il y a donc des attributs qui ont un lien direct avec l'essence d'Allah. Tant qu'il y a l'essence d'Allah, il y a ses attributs, c'est-à-dire tout le temps et constamment. Pendant qu'il y a d'autres attributs qui ont un lien avec la volonté d'Allah. Quand Allah Azza wa Jal veut les faire, il les fait, subhanahu wa ta'ala. Tout comme il y a des attributs qui ont uni en eux ces deux choses. D'un point de vue, ce sont des attributs d'essence, d'un autre point de vue, ce sont des attributs d'action. Ils sont des attributs d'essence lorsque nous voulons dire par là qu'Allah Azza wa Jal a constamment été décrit par cela. Prenons exemple de l'attribut d'Allah qui est la parole, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a constamment eu et été qualifié par cet attribut. Allah Azza wa Jal a la parole. De ce point de vue-là, nous dirons de cet attribut qu'il est un attribut d'essence, lié à l'existence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'un autre point de vue, lorsqu'Allah Azza wa Jal décide de parler, ces mots par lesquels il s'est exprimé, subhanahu wa ta'ala, il les a prononcés quand il a voulu. De ce point de vue-là, nous disons que c'est un attribut d'action. Voici l'explication des attributs d'Allah Azza wa Jal dit des attributs d'essence et des attributs d'action. Et ainsi s'achève cette assise en espérant d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle nous soit bénéfique et qu'elle soit bénéfique à ceux qui l'entendent. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته